Nature, ô notre maîtresse, enseigne-nous la sagesse. 29 mai 2017, Xi'an, hôtel Feng Shui, vent et eau, soir. Ce matin, à l'hôtel de Pékin, Mei et moi assistions au programme télévisé de recherche des personnes disparues. La photo de Hua apparut sur l'écran et la présentatrice annonça qu'elle était vue dans la ville de Xi'an, précisément dans le quartier des boutiques de peintres. Elle est vivante, je l'ai trouvée. J'en suis également contente. Mais dommage pour une fin trop rapide d'un voyage auquel j'ai pris plaisir. La floraison, partout ravie, loi de saison, mais tout fini. L'avion s'approche de Xi'an. Du hublot, je vois les admirables lumières nocturnes de la ville, jolis tapis de couleurs scintillantes. La veille, j'ai lu des informations concernant l'histoire de cette antique capitale impériale au centre du territoire chinois. On dit que les plus belles femmes habitent cette ville. Partout dans le monde, il ne manque pas de gens pour attribuer à lieu les plus belles créatures du pays ou même du monde. Pour moi, l'endroit le plus beau du monde est celui où vit celle que je cherche. 30 mai 2017, soir. Tôt ce matin, nous sortons de l'hôtel au centre-ville, bâtiment de 6 étages seulement. Les maisons voisines en ont moins encore. Tant mieux. En plus, sur les 2 trottoirs, la rue est bordée d'arbres, pas très hauts, au beau feuillage vert. Il protège du soleil déjà levé. Plein d'énergie, je marche si rapidement que je devance Mei comme à Pékin. Je finis par m'en rendre compte, je stoppe et reviens vers elle. « Je marche trop vite, n'est-ce pas ?»« Oui, » confirme-t-elle. Je lève les bras en signe d'excuse et reprends la marche au rythme de ma compagne. Nous passons près de l'une des portes monumentales de la muraille antique. Elle ceinture la ville, la lumière solaire la teinte d'une chaude couleur orange. Bonheur de penser, je ne me suis pas levé pour aller gagner de l'argent, mais pour retrouver la partie manquante de moi-même. Sur une place, près de la muraille, des personnes font du tai chi, mouvements amples et lents, comme devrait être la vie, si l'on n'est pas un insensé se croyant civilisé. Mei arrête un taxi, nous y montons. Plaisir de voir les rues bordées d'arbres, aux maisons basses, les femmes et les hommes circulant calmement sur leurs bicyclettes. Je confie à Mei, j'aime beaucoup ces gens, en particulier la sobriété de leurs vêtements et de leurs coiffures. Ils me rappellent ceux qui existaient dans mon pays dans les années 1960, avant le boom économique. Que s'est-il passé après ce boom économique? Il apporta les extravagances vestimentaires et les maquillages excessifs. Ils ont rendu les femmes souvent ridicules et laides. J'espère qu'en Chine, vous ne suivrez pas la même voie. Je l'espère aussi. J'ai répondu à Bruno sans conviction. En effet, j'ai remarqué les changements intervenus en Chine depuis un certain temps. Les excentriques vêtements, les absurdes maquillages, les cheveux colorés, surtout parmi les jeunes. Dans tout cela, où est la vie authentique? Et d'où vient l'argent? J'observe avec intérêt les environs qui défilent, éclairés par les explications de ma compagne. Je note surtout les aspects anciens et pittoresques de la ville, en particulier l'imposante pagode, puis la belle architecture de la tour des gongs. Voilà la Chine que j'aime voir. Cela complète bien ce que nous avons en Occident. Je ne commente pas. Pour ne pas décevoir Bruno, ne pas le froisser, je ne le connais pas assez pour m'y risquer. Voici ce que j'aurais voulu lui dire. Ces édifices anciens que tu admires, sache qu'ils sont la conséquence non pas uniquement d'un haut degré esthétique, celui des castes dominantes, mais également de leur exploitation féroce du travail du peuple. Les impôts écrasants qu'il était obligé de verser ont financé la construction de ces monuments. De même, leur construction est due à la sueur et au sang de ce peuple. Dans cette ville, les gens mènent une vie plus agréable par rapport à ceux de Pékin. Visage plus détendu, circulation moins rapide, moins dense, moins chaotique, nombre de bicyclettes égal et quelquefois supérieur à celui des véhicules, rythme général tranquille. « Il me semble qu'ici, » dis-je à Mei, « les gens savent vivre. Tu as raison, » confirme-t-elle. « Xi'an est fameuse pour son bon style de vie. » Nous arrivons dans le quartier des boutiques de peintres. « Oh, joli, très joli !» Maison uniquement de 2 étages, sinon au ras de terre. Aucune arrogante richesse, aucune désolante pauvreté, aucune laideur. Mieux encore, le quartier a quelque chose d'artistique dans le meilleur sens du terme. J'en éprouve un vif plaisir. Et que la femme cherchée puisse habiter ce lieu donne à ce plaisir une intensité infinie. J'avoue à Mei, j'aime beaucoup ce quartier. Tu n'es pas le seul, il est fameux dans toute la Chine. La recherche commence. Dans les rues petites, propres et agréables, Bruno admire les jolies boutiques, aux murs tapissés de peintures traditionnelles et de calligraphies. Il s'excite. « Oh, que ce serait magnifique de trouver sur le seuil de l'une de ces boutiques, Hua !» Nous nous arrêtons dans une rue, près d'un jeune peintre à l'œuvre, à l'extérieur de sa boutique. Penché sur une large table, il finit de dessiner une jeune femme sur une toile. Très concentré, ses mouvements sont calmes et sûrs. La simplicité de ses habits et la modestie de son comportement plaisent à Bruno, à moi aussi. Nous regardons la peinture. Elle est exécutée selon la méthode traditionnelle. La femme peinte, d'une trentaine d'années, présente un corps mince et harmonieux. Sa peau est d'un blanc délicat, son visage très agréable. Elle est habillée de somptueux vêtements antiques, une sorte de robe longue de couleur bleue, et par-dessus, une plus longue tunique rouge. La femme est assise. Elle joue de la musique avec un pipa. J'explique à Bruno qu'il s'agit d'un petit luth. La musicienne le tient d'une main. L'autre est posée sur une corde de l'instrument. Les mains sont longues et fines, les doigts délicats. Les cheveux noirs et brillants s'étalent sur les épaules et descendent jusqu'à la taille. La bouche est toute petite, selon le canon traditionnel. Les lèvres sont fines et rouges. Les grands yeux en amande scintillent d'une profonde lumière intérieure. Quelle femme sensible et intelligente n'aspirerait pas à incarner le plus possible ce modèle? Mais attention au fatal danger, la funeste prétention ou le néfaste complexe d'infériorité. Cette expression d'évanescente beauté, de doux recueillement, de naturelle tendresse, impressionne profondément Bruno. Quel homme ne le serait pas? Une telle créature féminine peut-elle réellement exister? Pourtant, tous les hommes rêvent de l'aimer et d'en être aimés, en imagination. Merci, artiste peintre. Cependant, moi, j'ai, je l'espère, mon idéal de femme à trouver. Bruno détourne les yeux de nouveau vers le peintre. Celui-ci plonge son pinceau dans la palette des couleurs. Quand il relève la tête, il jette un bref coup d'œil à la dizaine de spectateurs curieux ou admiratifs. J'en profite pour lui expliquer le motif de notre présence en lui montrant la photo de Hua. Il la regarde très attentivement. Finalement, il déclare avec regret n'avoir jamais vu une femme semblable. À tout hasard, je montre la photo aux personnes présentes. Sans résultat. Nous poursuivons la visite dans le quartier. Mei montre la photo de Hua aux personnes assises devant leur boutique, à celles présentes à l'intérieur, à des passants, à rien. Devant la porte d'une modeste maison sans étage, Mei s'approche d'une vieille femme. Elle est assise sur un petit banc de bois au pied d'un arbre aux larges branches basses, bien feuillues. Mei lui parle en lui montrant la photo de Hua. La vieille femme l'examine, puis déclare quelque chose avec un air de regret. Qu'a-t-elle dit? Mei reste silencieuse, désappointée. Aussitôt inquiet, je répète la question. L'expression désolée, Mei répond. Il est possible que Hua soit dans ce quartier, que cette femme l'ait vue, mais, précise-t-elle, aujourd'hui Hua est différente de ce qu'elle était sur cette photo. 42 années sont passées, constate-t-elle. Le visage comme le corps des personnes change. Pertinent rappel à la réalité. Bonjour, amertume. 42 années, c'est mon âge. Et pour moi aussi, le temps passe. Nulle poésie ne l'arrête. Tout au plus, elle le sublime, rend son inexorable écoulement plus acceptable. À 1 heure de l'après-midi, je suggère d'aller déjeuner dans un restaurant populaire typique de la ville. Je désire que mon ami occidental connaisse mieux la vie de mon peuple, notamment sa partie ordinaire, celle que j'aime. Nous pénétrons dans un restaurant rudimentaire, aux tables et bancs en bois. Il est bondé de personnes. Elle déjeune dans une allègre et bruyante atmosphère familiale. Bruno fixe avec une certaine appréhension les divers aliments présentés sur un banc. Ah, j'ai oublié que notre nourriture est totalement différente de celle occidentale. « Tu n'aimes pas manger ici ?» il déclare d'un ton convaincant. « Au contraire, je dois juste m'habituer à la nourriture. Satisfaite, je cherche où nous asseoir. Par chance, une table est inoccupée. Une jeune serveuse nous invite à y prendre place. « Ah, dis-je, il faut que l'on décide quoi manger. Viens !» Nous rejoignons un banc, puis regardons les mets. Viande, poisson, légumes, riz, nouilles, crustacés et autres aliments. Bruno observe le tout avec hésitation. « Je te conseille, dis-je, les saucisses. C'est la spécialité de la ville. Elles sont un peu piquantes. Quant aux légumes, tu peux choisir toi-même. » « D'accord. » Pendant que nous déjeunons, j'enseigne à Bruno l'utilisation des baguettes. Il essaie, mais sa manière bouffonne provoque mon rire. « Je demande alors pour toi une fourchette et un couteau ?»« Non, non, je veux apprendre. » « J'aime relever les défis. Enfin, parfois. Puisque j'affronte actuellement le plus grand de ma vie, alors les baguettes. » Une femme entre dans le restaurant. Sa vue m'agite furieusement. J'imagine ainsi Hua. Je le dis à Mei. Nous observons la cliente avec une extrême attention. « C'est plus fort que moi. Je me lève. Mei me suit. Elle montre la photo à la nouvelle venue, celle-ci l'examine. Ensuite, étonnée, elle nous regarde, attendant une explication. Mais il la fournit. Nous sommes à la recherche de cette femme, mais la photo date d'une quarantaine d'années. « C'est vrai qu'elle me ressemble un peu, » admet l'interrogé. « Quand j'étais jeune et jolie, » ajoute-t-elle, amusée. « Mais désolée, ce n'est pas moi. » Quelle pitoyable tristesse chez Bruno. Et pour moi, ce rappel, la vie déclinante des fleurs. Nous retournons dans le quartier des peintres. Nous entrons dans une petite boutique. Aux murs sont accrochés de jolies calligraphies et peintures traditionnelles. De nombreux rouleaux de ces produits sont posés sur des étagères. Le local embaume d'encre et de couleurs. Un vieil homme est assis sur un tabouret en bois. Son corps est maigre, mais bien conservé. Ses habits modestes sont toutefois agréables à voir. Les cheveux lisses et blancs, semblables à des fils de soie, mettent en valeur un visage régulier, à peine ridé. Devenu vieux et demeuré de conditions matérielles si humbles, comment peut-on conserver une expression de visage d'une telle sérénité, chaleureuse ? À ce noble vieillard, voilà le plus précieux des secrets à demander. Peut-être réside-t-il dans la pratique du métier aimé et dans le bonheur en amour, sinon dans la plus sage des conceptions de la vie. Alors que j'écris, le visage de ce noble vieillard est en moi, et je voudrais qu'il en soit ainsi pour le reste de ma vie. Il est une lumière solaire, une preuve merveilleuse qu'il est possible, malgré tout, de bien séjourner sur cette terre. En nous regardant, le vieil homme se lève et nous salue très courtoisement. Nous y répondons avec respect. Ensuite, je lui parle, en présentant la photo de Hua. Après l'avoir examinée un instant, il se lisse d'une main fluette les quelques poils de barbichette blanche jusqu'à ce que son regard brille. « Il me semble bien avoir vu cette dame. »« Il l'a reconnue, » dis-je à Bruno. Celui-ci bondit de joie. Mais voici l'homme hésité. Il s'efforce de se rappeler. Nous attendons. Au bout d'environ une minute, il s'attriste. « Je m'excuse, » conclut-il d'une voix très douce. « Je suis presque certain d'avoir rencontré cette dame, mais je ne me rappelle pas où, et je ne saurais dire quand. Pardonnez-moi cette défaillance de ma mémoire. » Nous voyant désappointés, le bon vieillard ajoute « Je vous prie de me laisser votre numéro de téléphone. Si par chance, et je m'y efforcerais, je parvenais à me rappeler quelque chose de précis, je vous le communiquerai avec plaisir. » Je dicte au peintre mon numéro de téléphone, mon interlocuteur prend un stylo et l'écrit sur un petit carnet. En sortant de la boutique, nous marchons à peine quand une voix nous arrête. Nous retournant, nous voyons le vieux peintre s'approcher rapidement. Quand il nous rejoint, il me parle en indiquant une maison toute proche. Je le remercie chaleureusement en inclinant la tête à plusieurs reprises. Il fait de même, puis s'éloigne. Une fois parti, j'explique à Bruno. Il s'est rappelé qu'une femme qui ressemble à Hua vivait dans cette maison, et il nous conseille d'aller voir. L'espoir revient. Nous nous dirigeons rapidement vers la demeure en question. C'est une construction sans étage, à l'aspect modeste. Sur le seuil, j'ouvre lentement la porte en bois et regarde vers l'intérieur en même temps que Bruno. Dans une petite cour, agrémentée par un bel arbre au centre, des vêtements lavés sèches, accrochés à un fil. Une poule se promène, suivie de poussins. Diverses petites portes fermées indiquent des logis intérieurs. De l'un d'eux sort un homme d'une cinquantaine d'années. Il traîne une bicyclette d'une main et de l'autre porte de longs rouleaux de papier. Il est habillé d'un vieux pantalon de toile bleue, d'une chemise blanche et d'espadrilles également de toile bleue. Ses cheveux plutôt longs sont légèrement en désordre. Il passe près de nous. Son aspect laisse deviner une vie matérielle difficile, mais le visage est sympathique. « Excusez-moi, dis-je, vous habitez ici ?»« Oui, » répondit-il en s'arrêtant. Je lui montre la photo de Hua. Nous sommes à la recherche de cette femme. Elle doit avoir aujourd'hui environ 60 ans. On nous a dit qu'elle a habité ici. L'homme pose calmement sa bicyclette sur le flanc, met à ses pieds les rouleaux de peinture et prend la photo. Il la regarde longuement. Il passe les doigts sur sa nuque et la gratte légèrement. À la fin, désolé, il déclare « Tout ce que je peux vous dire est que depuis plus d'une année que j'habite ici, je n'ai vu aucune femme ressemblant à celle de cette photo. Et je suis peintre, donc j'ai un bon œil. » Au clair de lune voltigé, pour que la vie soit allégée. Dans la soirée, sur une place, nous rencontrons un groupe. Il est composé d'une cinquantaine de personnes, hommes et femmes. Sous la lumière de lampadaires publics colorés en orange, ils dansent une valse. Photo de couple dansant. Oui, une valse, bien de chez nous. Elle est accompagnée d'une musique diffusée par une radio posée par terre, munie de petits haut-parleurs. Je m'arrête. Il y a une fête. Non, répond May, tous les soirs il y a des gens ici, quand la météo le permet. Ah bon? Ils sont de tous les âges, dansant en couple ou seuls. Quel bonheur si j'y découvre Hua. Je recommande. Regardons bien les femmes, celles d'une soixantaine d'années. Nous les observons attentivement. Aucune ne ressemble à ma désirée, hélas. Je suis surpris de m'entendre avouer, il y a tellement longtemps que je n'ai pas dansé. Instinctivement, je tourne le regard vers May. « Tu peux danser, si tu veux, m'encourage-t-elle. La voix du noble vieillard, vue dans la boutique, semble m'inviter. Pourquoi pas, hein ?» Enhardi, je lance à ma compagne. « Tu veux bien danser avec moi ?» Totalement surprise, son visage rougit fortement. À la proposition de mon compagnon, le sang est brusquement monté à mes tempes. « Calme-toi, mon cœur. Calme-toi, je t'en prie. » L'ultime fois que j'ai dansé est enfouie dans l'oubli. Mais j'ai toujours aimé voir les autres danser, et jamais mon esprit n'a conçu ce qui m'est proposé maintenant. Elle hésite. Je tente la plaisanterie. Je sais que je ne te paye pas pour ça. Un peu piquée, elle répond du même ton. Je ne serais pas ici si mes actions étaient uniquement dictées par l'argent. Ensemble, nous éclatons de rire. Puis nous voici parmi les autres couples, à danser. May tente de dissimuler sa timidité. Toute ma force, je l'emploie à ne pas trembler. Ma main dans celle de Bruno, son bras autour de ma taille. Nage dans l'eau, poisson. Fleur, jouis de la saison. Je danse en Chine, parmi des Chinois, avec une Chinoise, et personne ne trouve anormal qu'un étranger tienne dans ses bras une autochtone. Pas un regard négativement surpris, désapprobateur. Où sont donc les méchants Chinois, racistes, arrogants, détestant les Occidentaux? Je sens May trembler un peu. Ah, si mes bras enlacent Hua. À la fin, je propose de retourner à l'hôtel, non en taxi, mais en autobus. Pourquoi ? Interroge May, tout ébahie. J'ai envie de me mêler aux gens. En outre, plus je serai parmi eux, plus j'ai de chances de rencontrer Hua. May s'informe auprès d'un homme à propos de l'autobus à prendre. Quelques minutes après, nous sommes dans le véhicule en mouvement. Il est à moitié plein. Deux femmes ont l'âge de Hua, mais ne lui ressemblent pas. J'observe discrètement les autres passagers. Vêtements sobres, visage tranquille, en tout cas apparemment. Chacun plongé dans ses pensées. Quelques-uns semblent fatigués. Mais personne n'a un visage fermé, trop soucieux, hostile, plutôt un certain calme. Effet du tai chi pratiqué dans le pays. Il y a longtemps, très longtemps, que je n'ai pas pris un véhicule de transport collectif. Isolé dans mon bureau, ma voiture ou un salon parmi les rares personnes fréquentées, d'un niveau économico-social semblable au mien, j'ai perdu tout contact avec les gens ordinaires. J'ai envie de les connaître un peu. Je demande à May, à ton avis, à quoi pensent ces gens en ce moment ? Elle réfléchit. « Je crois, répond-elle, que leur premier souci est le prix du riz et celui du ticket d'autobus. Là, je ne m'y attendais absolument pas. Reconnaissance et merci, Hua. Sans t'avoir encore trouvé, tu me conduis à la redécouverte de la vie. » Un rire joyeux éclate. Je vois une femme continuer à rire, assise à côté d'une amie. Puis les deux bavardent gaiement. Peut-être qu'en ce moment, Hua, elle aussi, rit sur un autre autobus. Peut-être voyage-t-elle avec un visage calme ou fatigué. Peut-être encore est-elle en compagnie de son mari. 31 mai 2017, Xi'an, hôtel, soir. Aujourd'hui, nous allons encore dans le même quartier. May interroge beaucoup de personnes en leur montrant la photo de Hua. Toutes y accordent leur attention. Vive émotion de certains devant un étranger occidental, venu à la recherche d'une de leurs compatriotes, connue voilà 42 années. Ils l'ont su à la télévision, mais hélas, personne n'a vu Hua. Et, remarque quelques-uns, comment la reconnaître à partir d'une photo datant de tellement d'années? Au crépuscule, May et moi, épuisés, arrivons sur une place proche de notre hôtel. Pas envie de m'y enfermer. Je propose de s'asseoir sur un banc d'une petite place. Nous nous y reposons. Désolé pour ma compagne, je lui murmure. Pardonne-moi de te causer tout cet effort. Elle m'apaise. La chose importante est que tu retrouves Hua. Soudain, quelque chose m'agite fortement. Je me lève d'un bond à la surprise de May. Je la rassure. « Attends-moi ici un moment. Je vais à l'hôtel, puis je reviens tout de suite. » Il s'éloigne rapidement. Une tristesse subite m'envahit. Je veux en connaître le motif. Impossible. Une seule certitude. La cause n'est pas la fatigue du voyage. Je persiste à découvrir ce qui me perturbe. Oui, certainement. Aider un autre à trouver l'amour, sans avoir moi pas même un à espérer. En entreprenant ce voyage, je le croyais beau. Il l'est. Mais je n'ai pas perçu son côté yin, sombre, trop loin du feu. On frissonne, mais trop près, on brûle. Bruno revient en tenant en main l'étui de son violon. Il s'assoit à mon côté. Il prend l'instrument, puis, maîtrisant son émoi, il commence à jouer. Des personnes présentes sur la place sont très surprises d'entendre une mélodie chinoise traditionnelle jouée par un étranger. Un homme s'approche de nous et me demande un éclaircissement. Je traduis à Bruno. Il cesse de jouer et répond avoir appris cette mélodie de la part d'une jeune fille chinoise qu'il recherche. Je communique la phrase à l'homme et lui montre la photo de Hua. Ce dernier et les quelques autres personnes le rejoignant la regardent avec une intense curiosité. Visiblement, chacun et chacune voudrait se rendre utile, mais les visages deviennent tous plus ou moins tristes et désolés. Personne n'a vu Hua. Sans la filiale piété, que deviendrait la bonté ? Dans la soirée à l'hôtel, la télévision me contacte. Je téléphone à Bruno. Son appareil sonne, mais sans réponse. Je vais à sa chambre, il n'y est pas. Je le cherche dans le hall, il n'y est pas. Je vais au bar de l'hôtel, sans résultat. Je demande à la réceptionniste si elle a vu mon compagnon. Elle déclare qu'il est sorti une demi-heure auparavant. Sorti ? Pour aller où ? Je réfléchis. Puis je cours jusqu'à la place proche de l'hôtel, où nous étions assis au crépuscule. Ah ! Quel soulagement ! Je le trouve assis sur le même banc, dos courbé, il semble abattu. Heureusement, j'ai une bonne nouvelle à lui annoncer. « Je t'ai téléphoné, lui dis-je, mais tu ne m'as pas répondu. »« Ah ! Excuse-moi, j'ai laissé mon appareil dans la chambre. » La télévision m'a informé que Hua a été vu dernièrement à Canton, dans un quartier pauvre de la périphérie. Mais il ne réagit pas. J'attends. Il ne dit rien. Je patiente. Il murmure déprimé. On nous a déjà dit qu'elle se trouvait dans cette ville-ci. Avec délicatesse, je l'encourage. Le genre d'entreprise que tu poursuis exige de la patience et de la confiance. Si au moins j'avais eu le courage, il s'interrompt. Le courage de quoi ? De trouver le moyen, quand j'avais connu Hua, de la convaincre de rester dans mon pays. Cela aurait coûté très cher à sa famille. Sa famille ? Pourquoi ? Si Hua avait abandonné la troupe, les autorités auraient puni sa famille d'une manière trop cruelle, insupportable pour Hua. Je ne comprends pas. Pourquoi sa famille ? Parce que chez nous, si on ne peut pas punir une personne, on se venge sur les membres de sa famille, et d'abord sur son père et sa mère. Or, en Chine, l'amour filial envers les parents est un impératif sacré. L'enfant doit tout leur consentir. Son père et sa mère lui ont donné la vie, l'ont protégé jusqu'à ce qu'il puisse s'en occuper lui-même. Par conséquent, à cet enfant s'impose une dette de reconnaissance envers ses parents. À son tour, il doit s'occuper d'eux, veiller sur eux, notamment quand ils perdent la force de subvenir eux-mêmes à leur existence. « Chez nous, lui dis-je, c'était ainsi, mais dans le passé. Et maintenant pour la plupart, ça a changé. La société s'est enrichie, l'argent est devenu roi et l'égoïsme son serviteur. Dès lors, l'enfant dit à ses parents, « Je ne vous ai pas demandé de me mettre au monde. Vous avez fait l'amour et j'en suis le produit. Par conséquent, il est de votre devoir de subvenir à mes besoins. Une fois que je deviens adulte, bye bye. Vous ne me devez plus rien et moi rien à vous, à chacun sa vie. » Tout au plus, l'enfant, dont le cœur n'est pas complètement asséché, jette ses parents devenus vieux dans un hospice et leur rend visite de temps en temps, en espérant leur mort la plus rapide. En disant cela, Mei, je pense à ma douce et chère mère. Dans tous les égarements de ma vie, elle est toujours restée l'objet de mon amoureuse attention. Mais à présent, j'en suis loin, et elle est vieille. Certes, elle vit dans une belle maison, mais seule. Les paroles de Bruno sur les relations entre enfants et parents m'ont blessé profondément. Il s'en est rendu compte. « Désolé de t'avoir attristé, déclara-t-il, mais l'Occident devenu riche, c'est chacun pour soi, même dans la famille. Quant à Dieu, il est mort depuis longtemps. » J'osais une question en redoutant la réponse. « Et toi, avec tes parents ?»« J'ai heureusement une mère qui m'a évité de faire partie du troupeau ingrat. »« Et en Chine, quelle est la situation ?»« Qu'il est dur d'avouer la vérité quand elle est si amère. » »« Chez nous, un proverbe dit « La chienne suit le chien, la poule suit le coq. » »« Depuis quelques années, mon pays suit l'Occident. » »« Ici aussi l'argent est apparu, et avec lui, l'égoïsme. » Son aspect le plus scandaleux est chez les jeunes de tout demander aux parents, ensuite de les oublier, sinon négliger. Le comportement est le même que celui dont tu m'as parlé en Occident. 1er juin 2017, Xi'an, hôtel, soir. Malédiction, Pas de place disponible en avion pour Canton. Il faut attendre demain. Que faire de la journée? Sortir? Pas envie. À quoi bon? J'informe May. J'en profite pour me reposer. Alors bon repos. Cependant, une fois revenu dans ma chambre, j'allume l'ordinateur pour écrire. Mais quoi? Mon cerveau est trop fatigué par les agitations des multiples pensées contradictoires. Il a besoin de répit. Je me déshabille, prends une douche pour me détendre. Ensuite, je ferme les rideaux de la chambre, m'installe dans mon lit et... Bienvenue, sommeil réparateur. Dans ma chambre, enfin, un peu de lecture. J'en ai tant besoin. Je prends mon recueil de poésie classique. J'ai toute la journée devant moi. Alors je décide de me promener au hasard des pages, dans le magnifique jardin des mots, pour m'abreuver et me nourrir. Rien de plus consolant, de plus reposant, de plus enchantant que d'avoir sous les yeux la vie dépeinte par les beaux poèmes d'antan. L'aiguille dans le foin de patience a besoin. 2 juin 2017, Canton, Hôtel Dragon d'Or, soir. Dans l'après-midi, arrivé à Canton, de la fenêtre de ma chambre d'hôtel au 18e étage, je vois ce que je n'apprécie pas. De hautes tours s'étalent orgueilleusement au centre de la ville. Quelle étendue, à perte de vue. Où trouver Hua là-dedans parmi des millions de gens? Si au moins elle regarde la télévision et apprend que je la cherche. Mais vit-elle encore? Dans ce cas, pourquoi n'aura-t-elle pas un mari? Les belles au bois dormant n'existent que dans les fables. Courage et patience, a recommandé May. Mais comment, quand les affreuses incertitudes torturent? Étant née dans un tout petit village, en ouverte campagne, les grandes villes m'étouffent. Poulaillers trop encombrés, pollués, trop bruyants, s'y agglutiner, s'entasser, se coller les uns sur les autres, en désordre, en renonçant à tout l'espace offert par la nature. Quelle folie! Il m'est insupportable d'entrer dans ce chaos, sans en être intérieurement atteinte. Et à Pékin, suis-je réellement à ma place? La bonne herbe ne peut pas vivre sans être sur une bonne terre. Que le ciel nous fasse trouver le plus tôt possible l'ami de Bruno. L'hymne du monde le plus beau n'est pas chanté par les corbeaux. 3 juin 2017, Canton, soir. La quête reprend dans le quartier indiqué par la télévision. Zone effectivement pauvre, rues et ruelles étroites, peu ou pas du tout éclairées. Leur vue m'est très pénible. Comment les gens réussissent à vivre ici? Et Hua y habiterait? Suite à quel affreux malheur! Journée de recherche sans résultat. Soir. Dans l'une des ruelles, sous un lampadaire, quelques personnes sont assises en groupe, 4 hommes et 4 femmes. Leurs vêtements indiquent une très modeste condition économique. Ils écoutent avec plaisir un homme. Ils chantent un air, accompagnés par un musicien, jouant le violon traditionnel à 2 cordes. Je m'approche du groupe, suivi par Mei. Nous nous arrêtons, écoutons. La voix de l'artiste est très haute. Les sons aigus dominent. À juger de la modulation des paroles, des expressions du visage et des gestes du chanteur, il semble livrer une cour passionnée à une femme, plutôt réticente. De temps en temps, les auditeurs rient, amusés tour à tour par les mots prononcés, le ton de la voix ou la mimique de l'artiste. Quand il finit, les spectateurs applaudissent. « Qu'est-ce que c'est comme chanson ?»« Un air de l'opéra de Pékin, » répondit Mei. « C'est-à-dire quelque chose comme vos fameux opéras, la Traviata ou la Bohème, mais qui date de beaucoup de siècles auparavant et qui est très aimé par le peuple. Ah, et le thème, devine, une chanson d'amour. Bravo !» Le chanteur demande à Mei ma nationalité. Elle le satisfait, provoquant la vive curiosité de tous. L'homme exprime le désir d'écouter une chanson populaire de mon pays. Pris au dépourvu, je suis embarrassé. L'homme insiste gentiment. Mei me traduit. Il dit qu'il n'en a jamais entendu. Et il serait content si tu en chantes une, mais il la voudrait populaire et fameuse. L'homme dit quelque chose d'autre à Mei. Ce n'est pas important, me précise-t-elle, si tu chantes bien ou mal, l'essentiel est de lui faire entendre ce genre de chanson. Tout le groupe m'applaudit en signe d'encouragement. Bon, quand on est dans l'eau, il faut bien nager. Des chansons me viennent en tête. Je les écarte, trop stupides. Que puis-je leur offrir qui soit vraiment populaire et fameux, mais aussi beau et digne? Rien ne me vient en mémoire. Les autres attendent, avec patience. Je me concentre. Je voudrais une chanson gaie. Cet adjectif me rappelle l'époque où j'étais heureux, celle de mes 20 ans. Je me souviens alors des manifestations auxquelles ma mère m'emmenait et de ce qui me plaisait le plus. D'accord, dis-je à May, mais je ne me rappelle que le début. Cela suffira. Je m'assois avec le groupe, imité par May. Je me prépare. Les autres se mettent à l'écoute. je commence à chanter les premiers vers de l'International. Surprise totale des auditeurs. Leur visage s'éclaire intensément. Voilà que le musicien m'accompagne au violon et le chanteur fait entendre sa voix. C'est la même chanson en langue chinoise. Aussitôt, les autres l'imitent en chœur. À mon tour d'être très agréablement étonné en continuant à chanter. Mais il s'y associe, elle aussi, en chinois. Une émotion soudaine et très forte s'empare de moi au point de me faire vibrer la voix. Absolument incroyable, inattendu, merveilleux. Oh, comme tu serais heureuse, maman, d'être avec nous ici. Parmi des personnes aux physiques divers, dont tu ne comprends pas la langue, aux coutumes différentes des tiennes, et pourtant, tous ensemble, nous chantons le même hymne, avec le même plaisir, la même communion. À la fin du premier couplet, avec un immense regret, je cesse de chanter, n'ayant pas en mémoire les paroles suivantes. Les autres s'interrompent à leur tour et m'applaudissent très chaleureusement. Moi aussi, je les applaudis de la même manière. « C'est une chanson de ton pays ?» demande le chanteur avec incrédulité à Mei. « Elle est de tous les pays du monde, » répond-elle. « Elle est écrite par un ouvrier cordonnier. »« Un ouvrier ?» s'exclame l'homme, encore plus incrédule. « Oui, un ouvrier. »« Un ouvrier ?» répètent les autres, également très surpris. « Ah, un ouvrier ! Un ouvrier !» souligne en écho le chanteur plein de fierté. Le musicien s'aperçoit que mes yeux fixent son violon traditionnel avec intérêt. Il m'explique gentiment, en chinois et en s'aidant avec des gestes, comment jouer l'instrument. Puis il me l'offre. Je montre quelques secondes d'hésitation. Le musicien met avec délicatesse l'instrument dans mes mains. Alors je tente. Je réussis à faire entendre quelques notes. Le violoniste m'aide à tenir le thorax bien droit. Il déclare que l'attitude du corps est très importante durant l'exécution d'une musique. J'exécute quelques notes, étonnement admiratif et applaudissements les accueillent. Puis, ne maîtrisant pas suffisamment l'instrument, je m'interromps, satisfait quand même. Tous, y compris Mei, m'applaudissent encore une fois. Je les remercie d'un signe de tête, puis, instinctivement, je les applaudis à mon tour. Et ma pensée va à Hoa. Ah, pourquoi n'es-tu pas l'une de ces femmes ? 3 juin 2017, Canton, soir. Quelle émouvante surprise! Entonner ensemble la même chanson, et pas n'importe laquelle, celle de tous les opprimés de la terre appelant à la fraternité universelle. Je commence à comprendre, au-delà de l'amour d'une femme, le voyage de Bruno jusqu'ici. Je ne m'attendais absolument pas à le voir chanter l'International. Il n'a pas du tout l'air d'une personne qui la connaît. Comme quoi, Mei, la vie peut surprendre, en mal ou en bien, mais néanmoins surprendre. Cela mérite l'écriture d'une poésie, mais trop d'émotions m'en empêchent.